Bienvenue à Mélomanes, l'émission pour vous, les fous de la musique. Vous êtes bien à l'antenne du 99.1 et 88.9 CFNJ. Mathieu Lajoie au micro pour vous servir. Donc, Mélomanes, édition du 17 février 2016. Mais où va-t-on aller ce soir après les spéciaux jazz, blues et Saint-Valentin des dernières semaines? Bonne question. Eh bien, la thématique de ce soir, on y a touché un peu avec justement les spéciaux blues et jazz. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, entre autres choses, souligner le mois de l'histoire des Noirs dans lequel on se trouve présentement. Parce que oui, le mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Et disons qu'on fait notre part, on n'a pas à rougir à Mélomanes côté musique noire. On en entend en ce moment même, d'ailleurs. Mais ce soir, on va quand même trouver le moyen d'y aller d'un angle différent et surtout d'entendre la musique incroyable qui nous provient d'une foule d'horizons. Parce que le mois de l'histoire des Noirs, ça veut pas juste dire de la musique qui nous vient de gens qui ont la peau foncée exclusivement non plus. C'est pas juste une question de couleur de peau, ça veut aussi dire des chansons qui parlent de droits civiques, d'égalité, de liberté, qui dénoncent la ségrégation et qui parlent tout simplement de paix aussi. Ça veut peut-être dire aussi qu'on va rendre hommage à la mère Afrique, le berceau de l'humanité. Donc l'éventail est assez large. D'ailleurs, on commence ça de façon solennelle avec un extrait d'un discours intemporel du 28 août 1963. Et on écoute ça à l'instant au 99.1 CFNJ. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident. That all men are created equal. Yeah. Sometimes

99.1 et 88.9 CFNJ. Vous écoutez Mathieu Lajoie. Williams and Zinger killed poor Hattie Carroll with a cane that he twirled around his diamond ring finger at a Baltimore hotel society gathering. And the cops was called in and his weapon took from him as they rode him in custody down to the station and booked Williams and Zinger for first degree murder. But you who philosophize disgrace and criticize all fears, take the rag away from your face. Now ain't the time for your tears. Williams and Zinger, who had 24 years, owns a tobacco farm of 600 acres with rich, wealthy parents who provide and protect him in high office relations in the politics of Maryland, reacted to his deed with a shrug of his shoulders and swear words and sneering, and his tongue it was a snarling. And in a matter of minutes, on bail was out walking. But you who philosophize disgrace and criticize fears, take the rag away from your face. Now ain't the time for your tears. Hattie Carroll was a maid in the kitchen. She was 51 years old and gave birth to 10 children who carried the dishes and took out the garbage and never sat once at the head of the table and didn't even talk to the people at the table who just cleaned up all the food from the table and emptied the ashtrays on a whole other level. Got killed by a blow, lay slain by a cane that sailed through the air and came down through the room, doomed and determined to destroy all the gentle. And she never done nothing to Williams and Zinger. And you who philosophize disgrace and criticize all fears, take the rag away from your face. Now ain't the time for your tears. Courtroom of honor, the judge pounded his gavel to show that all's equal and that the courts are on the level and that the strings in the books ain't pulled and persuaded and that even the nobles get properly handled once that the cops have chased after and caught 'em, and that the ladder of law has no top and no bottom. Stared at the person who killed for no reason, who just happened to be feeling that way without warning. And he spoke through his cloak, most deep and distinguished, and handed out strongly for penalty and repentance Williams and Zenger with a 6-month sentence. Ah, but you who philosophize disgrace and criticize our fears, in your face, for now's the time for your tears. De retour à Méloman au 99.1 et 88.9 CFNJ, où on souligne ce soir le mois de l'histoire des Noirs et où, pour cette occasion, on vient d'entendre une magnifique pièce de 1964 par nul autre que Robert Zimmerman. Parce que, comme on disait en début d'émission, souligner le mois de l'histoire des Noirs, ça veut pas seulement dire de la musique noire exclusivement. Il y a heureusement plusieurs Blancs de provenances diverses et d'autres races qui ont sympathisé en supportant la cause quand elle devenait trop lourde. Et c'est le cas de Bob Dylan qu'on vient d'entendre avec « The Lonesome Death of Hattie Carroll » qui relate l'histoire malheureusement vraie du meurtre de Hattie Carroll, une femme afro-américaine, barmaid de 51 ans. Elle a été tuée par un certain Zanzinger, jeune et riche, qui a eu seulement 6 mois de prison à faire, le tout dans un comté du Maryland qui était évidemment régi par la ségrégation pure et dure. Bref, Dylan, qui nous relate tout ça dans le moindre détail, à peine un an après les événements en guise de protestation. Et parlant de Dylan, si j'ai eu la chance de voir un hommage en fin de semaine, Mr. Tambourine Man à Dylan, agréablement surpris si vous avez la chance de voir ça. On a aussi entendu, sinon, Living for the City de Stevie Wonder en 73, une des premières chansons de soul à parler ouvertement de racisme systémique, plus le côté là, sous-entendu social de la chose. Et sinon, de Jamaïque, le roi du roots reggae, Bob Marley et ses Wailers, bien sûr, avec War, tiré de leur Rastaman Vibration de 76, et des paroles qui sont calquées entièrement sur un grand discours de paix donné par l'empereur d'Éthiopie en 1963, Haile Selassie Ier, celui que les Rastafari appellent affectueusement Jah, devant l'Assemblée générale des Nations unies. Bref, je vous résume ça, là, il y aurait beaucoup à dire. On a aussi entendu James Brown qui, lui, nous résume ça parfaitement justement avec « Say it loud, I'm black and I'm proud » de 68. Et on poursuit notre célébration en musique avec une autre pièce dénonciatrice importante, un peu comme celle de Dylan. En fait, la même année, en 64, une chanson qui a été bannie de plusieurs États du sud des États-Unis. On écoute Mississippi Goddamn en 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Méloman avec Mathieu Lajoie. CFNJ 99.1 89. The name of this tune is Mississippi Goddamn. And I mean every word of it. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi. Goddamn! Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about stand the pressure much longer. Somebody say a prayer. Alabama's gotten me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi. Goddamn. This is a show tune, but the show hasn't been written for it yet. Hound dogs on my trail,

Somebody sing, hello, hello, hello. Somebody sing, somebody cry, why, why. Somebody sing, somebody sing, hello, hello, hello. Somebody sing, somebody cry, why. Somebody sing, hit your mind up, hit your mind up. Yes, I know, I know. Somebody sing, somebody sing, hello, hello, hello. Somebody sing, somebody cry, why. Somebody sing, hello, hello, hello. Somebody sing, somebody cry, why. Kulumane, kulumane, kulumane siswe. Singenze njani, bayajabula basithanda. Yo. We are young. toujours à Mélomanes au 99.1 et 88.9 CFNJ, où on célèbre en musique le mois de l'histoire des Noirs. Et une des façons de faire ça, c'est de visiter le berceau de l'humanité, le gros continent là de l'autre bord qu'on oublie souvent, l'Afrique, qu'on n'avait pas tant exploré à Mélomanes de toute façon, donc c'est le temps de le faire ou jamais. Peter Gabriel en 1980, qu'on vient d'entendre avec Biko, une chanson intense qui nous relate encore une fois l'histoire vraie de Steve Biko, un activiste anti-apartheid sud-africain battu à mort par la police en 1977. Que de sujets joyeux, mesdames et messieurs. Mais que voulez-vous, ils l'ont pas eu facile, les Noirs, c'est la triste réalité. Raison de plus pour évacuer tout ça en musique, et on a eu droit à une petite perle de chants zoulous avec Ladysmith Black Mambazo, un groupe a cappella d'Afrique du Sud, sur l'album Graceland de Paul Simon en 1986. Et on ne peut pas passer sous silence que Peter Gabriel et Paul Simon sont deux des principaux responsables de toute la vague de musique du monde qui va suivre. Et c'est pas mal grâce à des enregistrements, comme ceux qu'on vient d'entendre d'ailleurs. Et sinon, on a aussi entendu un vieux classique toujours de l'Afrique du Sud, Pata Pata, par la seule et unique Myriam Makeba en 1967, la première artiste africaine à populariser la musique de l'Afrique en dehors du continent et aussi activiste pour les droits civiques des Afro-Américains. Et justement, c'est une chanson qu'on dit inspirée du combat des Noirs, Blackbird des Beatles, qu'on a entendu juste avant. On était en 1968 sur l'album blanc, bien sûr. Et on a commencé ça avec une performance légendaire de Nina Simone en 64 avec Mississippi Goddamn, pas mal dans le même esprit, mais un petit peu plus baveux, disons. Et le même esprit, on va le garder dans le fond, dans les paroles, mais le contenant va changer assez radicalement. Vous allez même vous dire, non, ça n'a pas rapport, mais oui, ça a rapport. On se transporte dans les années 80 pour faire changement un peu et se préparer à notre spécial années 80 de la semaine prochaine. Dépêche Mode au 99.1 CFNJ. People want me, so why should it be? You and I should get along, so all the way. People want me.

Centre-sud de la Naudière pour les prochaines heures. Neige intermittente qui cesse cette nuit. 2 cm d'accumulation, un minimum de moins 16. Jeudi ensoleillé, maximum moins 8. Et neige intermittente vendredi, maximum moins 3. Et les secteurs du nord, Saint-Michel et Saint-Zénon, neige intermittente qui cesse cette nuit. Dégagement ensuite 2 cm, un minimum de moins 21. Ensoleillé jeudi, maximum moins 7. Et neige intermittente vendredi, maximum moins 3. CFNJ. He knows not a damn thing at all. And every time I felt the hurt and I felt the giving, getting me up off the wall. I'm just gonna take a minute and let it ride. I'm just gonna take a minute and let it breeze. I'm just gonna take a minute and let it ride. I'm just gonna take a minute and let it breathe. How did Mandela get the will to surpass the everyday when injustice had him caged and trapped in every way? How did Gandhi ever withstand the hunger strikes and all? Didn't do it to gain power or money, if I recall, it's the gift. I guess I'll pass it on. Mother thinks it'll lift the stress of Babylon. Mother knows. My mother, she suffered blows. I don't know how we survived such violent episodes. I was so worried. It hurt to see you bleed. But as soon as you came out the hospital, you gave me sweets, yeah. They tried to take you from me, but you still only gave them some prayers and sympathy. Dear mama, you helped me write this. By showing me to give, it's priceless. And any man who knows a thing knows he knows not a damn thing at all. And every time I felt the hurt and I felt the giving getting me up off the wall. I'm just gonna take a minute and let it ride. I'm just gonna take a minute and let it breathe. I'm just gonna take a minute and let it ride. I'm just gonna take a minute and let it breathe. All I can say is the worst is over now. We can serve the hard times, divorce, it's over now. They try to keep us out, but they doors is open now. My nigga Akon is getting awards and covers now. This is K9 and still ripping the S, coming out of Mogadishu. And still draped in the mess. And no matter how we strong, homie, it ain't easy coming out of where we from, homie. And it's the reason why I can never play for me. Tell them the truth is what my dead homies told me. Ooh yeah, I take inspiration from the most heinous of situations, creating medication out my own tribulations. Dear Africa, you helped me write this. By showing me to give, it's priceless. And any man who knows a thing knows he knows not a damn thing at all. And every time I felt the hurt and I felt the giving getting me up off the wall. I'm just gonna take a minute and let it ride. I'm just

99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. CFNJ. Et oui, Michael Jackson avec Black or White de circonstance. Ce soir, un gros hit tiré de l'excellent Dangerous, sorti fin 91. Et c'était précédé de quelque chose d'un peu plus récent, en fait de 2009. Take a Minute par l'unique Kanan, né en Somalie, en Afrique, pour ensuite partir pour les États-Unis et enfin Toronto, où il a commencé à apprendre l'anglais en écoutant du rap. En fait, il a commencé à faire du rap phonétiquement avant même de parler la langue en tant que telle. Et voyez-vous, c'est maintenant un auteur redoutable. Qui aurait pu croire? C'est à lui qu'on doit entre autres le fameux succès « Waving Flag ». Sinon, on était dans les années 80, bord en bord, avec Eddie Grant en 82, qui lui est né au Guyana, en Amérique du Sud. On a bien sûr entendu son gros succès Electric Avenue, qui était précédé par un must, toujours de 82, de Paul McCartney et Stevie Wonder, qu'on a tous les deux entendu dans notre premier bloc. Là, on les a entendus ensemble avec Ebony and Ivory, qui nous dit qu'on pourrait cohabiter, tout comme l'ivoire et l'ébène cohabitent ensemble sur le clavier d'un piano. Magnifique. Et Dépêche Mode qui nous a parti ça avec People are people, les gens sont les gens, ça dit ce que ça veut dire. Et on poursuit notre célébration en musique du mois de l'histoire des Noirs à Mélomane pour un autre bloc endiablé. Et on parlait de World Beat, de musique du monde tantôt. Eh bien, c'est pas Paul Simon ni Peter Gabriel qui a vraiment lancé l'idée d'incorporer les musiques africaines au pop. Ce serait plutôt un Français effronté en 64 qui nous parle du Kenya. Façon Gainsbourg, 99.1 CFNJ. Là-bas c'est naturel, là-bas au Kenya. Pour tous les naturels c'est ok. Chacune étant deux pièces moins une, chacun dans ce noir paradis en monokénie. Nous allons un jour là-bas au Kenya. Je te dirai alors c'est ok. Aucune pudeur, aucun souci. Tu te cacheras si tu veux derrière tes cheveux. Si nous n'allons pas là-bas au Kenya, je te dirai quand même c'est ok. Rien qu'une petite pièce moins l'autre, et pour l'amour en moins de deux, en deux pièces moins de deux. Thank you. cry again. When I was asleep, my mother could bed me. She go lie me well, well for bed. She cover me cloth, say make you sleep. Sleep, sleep, my pequeno. Moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde. Plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde. Plus rien ne m'étonne. Ils s'étonnent que nous soyons désunis. Une partie de l'empire mandingue se trouva chez les Wolofs. Une partie de l'empire Mossi se trouva dans le Ghana. Une partie de l'empire Soussou se trouva dans l'empire mandingue. Une partie de l'empire mandingue c'est tout va chez les Mossis. Ils ont partagé Africa sans nous consulter, sans nous demander, aïe aïe aïe, sans nous aviser. Ils ont partagé le monde. Plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde. Non te va mien roue l'eau, mien roue mien roue nasse. L'on l'on ya ova mi roue l'eau, non viva mien ilo. Va non viva rotone asse, e a l'on l'on non vigne, non viva roto agbe ya o, non viva. Toto agbe yowo no viva bien ilo agbele tekwa o bien ila bien ilo vivida na mesia me don va no te va mi miando to nace no te va miando velo mia due mia rotto nasce non lo ya ova mi duelo non viva mia ilo fa non viva rotto ne asse e a non lo via non viva rotto agwe yowo non viva rotto agwe yowo non viva mia ilo Agbele tekwa wo nyan ila nyan ilo vivida na mesia me don on va don on ne ca non on va don on ne ca non vivida bien bien non tu se sent bien nous wero ne bien pour non non on va don ti jueda e mon bien na mesia me da Coucou, do vivi, lolo, fafa, lolo, non, lolo, varo, lolo, ne ca, e a me, lolo, to nacero, a me, si a me, le babila, y lolo, chicho, e moni, a me, le cabedo, a vose, lolo, famiglio, famiglia, a que ya no mi juvalo. Non te va ni a due, non te va ni a due, non te va ni a due.

trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. The gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter cry. Quelle juxtaposition, mesdames et messieurs. Vous êtes toujours à notre célébration du mois de l'histoire des Noirs à Mélomanes, et ce, au 99.1 et 88.9 CFNJ-FM, partout dans la Naudière et au-delà. J'espère que vous appréciez le voyage jusqu'à maintenant. Je dis juxtaposition parce qu'on vient vraiment de passer d'un extrême à l'autre avec Billie Holiday et la pièce légendaire Strange Fruit de 1939. Une chanson qu'on avait entendue à la toute fin de notre spécial jazz et qui nous menait tranquillement vers le monde du blues la semaine suivante. Mais je trouvais que c'était de circonstance ce soir parce que, juste pour vous donner une idée, les strange fruits, les fruits étranges de la chanson qui pendent des branches d'arbres, eh bien, c'est pas des fruits du tout, c'est des noirs qui ont été pendus. Donc oui, c'est cru, mais des fois, ça prend ça et c'est pour ça qu'il s'agit d'une pièce d'une importance historique incommensurable de 1939, imaginez. Et tout ça qui suivait une pièce d'un film de Disney, mon esprit tordu encore frappé, mais quand même une pièce qui évoque l'Afrique et qui a marqué bien des jeunes imaginaires lors de sa sortie en 94. On parle de Carmen Twilley avec Circle of Life, le cercle de la vie, composé par Tim Rice et Elton John, et tiré bien sûr du Roi Lion. J'espère que ça vous a rappelé des bons souvenirs parce que c'était ça le but. Et sinon, attention, quelque chose de vraiment magnifique qu'on a entendu juste avant, Angélique Kidjo du Bénin, cette fois-ci avec Lon Lon, qui est en fait un arrangement du grand boléro de Ravel de 1928, Maurice Ravel, avec des paroles en Mina, une langue du Bénin. Je ne sais pas si je le prononce comme faux. Donc, un beau mélange de musique noire africaine et de musique blanche européenne. Maurice Ravel, Angélique Kidjo du Bénin. Et on est resté vraiment dans l'africain avec Tekenja Fakoly de la Côte d'Ivoire, que vous connaissez sans doute avec un de ses premiers hits, Plus rien ne m'étonne, de 2004, et un vieux classique de 76, du moins pour les gens du Nigeria, Sweet Mother, de Prince Nico Mbarga. Le tout amorcé par Gainsbourg avec « Là-bas, c'est naturel » tiré de l'album révolutionnaire « Percussion » de 64.

Take a bet. Oh, yeah, oh, take a bet. Oh, yeah, oh, take a bet. Thank you. Now we're gonna get ourselves together again. On va rajouter un poème. Je vais faire un petit poème de Baudelaire maintenant. Auprès du ciel comme les astrologues et dessous des clochers écoutés en rêvant leur hymne solennel emporté par le vent. Les deux mains ont m'entendu haut de ma mansarde. Je verrai l'atelier qui chante et qui bavarde. Les tuyaux, les clochers, les mâts de la cité et les grands ciels qui font rêver comme il est doux à travers les brumes de voir mettre l'étoile comme il est doux à travers de voir naître l'étoile. Et la lune versait son pâle enchantement. Je verrai des printemps, des étés, des automnes. Et quand viendra l'hiver aux neiges monotones, je fermerai partout portières et volets pour bâtir dans la nuit mes féeriques palais. Alors je reverrai mes horizons bleuâtres, mes jardins des jets d'eau pleurant dans les comme il est doux à travers les brumes de voir naître l'étoile comme il est doux à travers les brumes, de voir naître l'étoile comme il est doux. À travers les brumes, de voir naître l'étoile comme il est doux. À travers les brumes, de voir naître l'étoile. Vous allez vous gagner, vous gagnez un fragment. De notre téléphone, un tout n'a plus d'air à ton corps. Vous allez vous gagner, vous gagnez un fragment. Comme il est doux, mamie, Toujours à Méloman au 99.1 CFNJ, spécial mois de l'histoire des Noirs, où on célèbre entre autres avec la musique de différents pays d'Afrique, mais aussi du Québec. On a entendu ce cher André Fortin au sein des colocs, accompagné des frères Diouf du Sénégal, avec une chanson composée sur un poème de Charles Baudelaire, « Paysage », sorti de façon posthume sur l'album « Suite 2116 » en 2001. Et c'est toujours une pièce qui nous provient du même album, d'ailleurs, qu'on entend en ce moment. Il s'agit justement de rythmes sico-africains. Et juste avant, on a entendu un extrait d'un album hyper influent sur la scène qui va devenir plus tard celle du world beat, de l'afrobeat ou de la musique dite du monde, centrée sur l'Afrique évidemment, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il s'agissait de la légende Fela Kuti du Nigeria cette fois-ci, accompagnée à la batterie par nul autre que Ginger Baker du groupe Cream. Un album pivot de 1971 qui s'intitule Fela with Ginger Baker avec le groupe The Africa 70. Un album classique qu'on se doit d'avoir écouté au moins une fois dans sa vie si on aime le genre. Encore une fois, Ginger Baker qui, bien avant Peter Gabriel ou Paul Simon, et juste un peu après Gainsbourg, plonge la tête la première dans la musique africaine avec le héros Fela Kuti que je vous encourage à découvrir en général. Presque James Brown nigérien, mais aussi un saxophoniste, bref. C'est quelque chose, et la pièce qu'on a entendue, nous ici, qui s'appelait « Let's Start », comme on disait, de 71. Et le tout amorcé par un classique du hip-hop, un style à côté duquel on ne peut pas passer si on parle de l'histoire des Noirs de 1998, « Hard Knock Life », l'hymne du ghetto de Sean Carter alias Jay-Z, une pièce où vous aurez peut-être reconnu l'air de « It's a Hard Knock Life » qui nous provient de la comédie musicale « Annie » de 1977, la fameuse petite orpheline rousse. Et croyez-le ou non, on retourne dans le monde du rap avec du rap positif en plus, qui encourage les jeunes à suivre leurs rêves, entre autres. Le rival d'un moment de Jay-Z, justement, Nas, 99.1 CFNJ. Avec vous, partout dans la entière. Centre et sud de la Naudière pour les prochaines heures, neige intermittente qui cesse cette nuit, 2 cm d'accumulation, un minimum de moins 16. Jeudi ensoleillé, maximum moins 8 et neige intermittente vendredi, maximum moins 3. Et les secteurs du nord, Saint-Michel et Saint-Zénon, neige intermittente qui cesse cette nuit, dégagement ensuite 2 cm, un minimum de moins 21. Ensoleillé jeudi, maximum moins 7 et neige intermittente vendredi, maximum moins 3. CFNJ. I know I can be what I want to be. I know I can be what I want to be.

FNG. table avant manger. Maman, il allait la rivière. Maman, il allait pêcher crabe. Si on pas d'eau, d'eau, crabe la va manger. Et si on pas d'eau, d'eau, crabe la va No. au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. Et oui, Mélomanes, où on célèbre en musique le mois de l'histoire des Noirs dans lequel on se trouve, mois de février, chers auditeurs, avec entre autres Chaka Khan et son gros hit de 78, juste après sa sortie de l'excellent groupe de funk Rufus, I'm Every Woman. Parce que la condition de la femme, c'est important aussi, d'autant plus une femme noire, imaginez. Une chanson qui va être reprise par Whitney Houston en 93 sur sa fameuse trame sonore du Bodyguard. On a aussi entendu la magnifique berceuse créole, nous provenant d'Haïti cette fois. On a fait ben des pays ce soir. Un air que plusieurs d'une certaine génération associent à Doualé, petite marionnette haïtienne du vieux passe-partout. Et oui, mais c'est dans une très belle version a cappella qu'on l'a entendu ce soir par le quatuor laqué de Suisse. Voyez-vous, on voyage vraiment beaucoup. Et sinon, on ne pouvait pas passer à côté du gospel, qui fait partie intégrante de toutes les musiques noires, avec le classique « Oh Happy Day » par les Edwin Hawkins Singers en 1969. Encore une fois, il y en a sûrement parmi vous qui ont connu cette ère-là grâce au film « Sister Act 2 ». Back in the Habit, soit Rockin' On 2, parce que nous, au Québec, on est peut-être un petit peu moins familier avec le gospel quand même. Je dis que ça a influencé toutes les musiques noires, c'est sûr, surtout américaines quand même. Et sinon, vous aviez peut-être reconnu le même beat soutenu de la pièce de Nas, I Can, de 2003, qu'on écoutait dans la pièce suivante des Honey Drippers de 72, Impeach the President, un bel exemple d'échantillonnage du monde du hip-hop. Et on y retourne parce qu'on va manquer de temps, sinon on y va avec la déclaration des droits des Abyssinians au 99.1 CFNJ.

half of them. He bought himself a cherry pie. He gave me a dollar, a blood-soaked dollar. I cannot get the spot out, but it's okay, it still works in the store. Greasy man, come and dig my well. Life without your water is a burning hell. Step me up with your homegrown. Et on vient d'entendre Neil Young au 99.1 et 88.9 CFNJ dans la grande région de Lanaudière. Et vous êtes toujours à Mélomane, moi de l'histoire des Noirs. Et oui, Neil Young, qu'est-ce qu'il vient faire dans l'histoire des Noirs? Eh bien, on vient d'entendre Southern Man de 1970, qui est en fait une critique cinglante de la ségrégation qui faisait encore rage dans certains États du Sud des États-Unis. Disons une chanson dans le même esprit un peu que Mississippi Goddamn de Nina Simone qu'on a entendu tantôt. Et celle de Neil Young a fait réagir aussi, même que Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd serait une réponse directe à Southern Man. Bref, vous irez lire là-dessus si ça vous intéresse. Moi, je ne veux pas partir de chicane. Sinon, on a entendu un magnifique groupe très récent que j'ai eu la chance de voir en spectacle il n'y a pas si longtemps. Toon Yards, qui empruntent allègrement au rythme africain dans leur composition. D'ailleurs, j'avais écrit sur eux dans ma chronique musicale du journal Action, si ça vous intéresse. Donc, on a entendu de Toon Yards, Water Fountain de 2014. Et en passant, tant qu'à être dans les plugs, je vous invite, tous autant que vous êtes, à aimer le groupe Facebook Mélomane et la page Mélomane Radio pour avoir des exclusivités et parce que plus on est fou, plus on rit, tout simplement. Donc, le groupe Mélomane sur Facebook. Et sinon, ah oui, on a entendu l'excellente Across 110th Street du grand Bobby Womack en 1972 et les merveilleuses harmonies des Abyssinians de Jamaïque avec Declaration of Rights de 1976. Et on y va maintenant pour un bel exemple de ce qu'on appelle le Philly Soul, soit une variété de soul bien particulier des années 70, qui est très orchestré, qui est né en Philadelphie, d'où son nom, Philly Soul. On écoute les Delphonics au 99.1 CFNJ.

I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. We're seeing things in a different way, and God knows it ain't his. It sure ain't no surprise. We're living on the edge. The world today, the light bulb's getting dim. De retour à notre célébration du mois de l'histoire des Noirs à Mélomanes au 99.1 CFNJ. Une émission quand même assez éclatée qui arrive déjà à sa fin. Et oui, donc on a entendu du Delphonics, comme on disait, de Philadelphie en 69 avec Ready or Not, Here I Come, une chanson qui va être reprise par les Jackson 5 et même les Fugees dans les années 90. On a aussi entendu, encore une fois, d'Afrique, les magnifiques Amadou et Mariam, appelés le couple aveugle du Mali, avec Sabali de 2008. L'incontournable A Change Is Gonna Come de Sam Cooke, toute de circonstances et qu'on ne se tannera jamais d'écouter, on était en 64. Et même Aerosmith en 93 avec Living on the Edge, qui, il faut le dire, elle aussi est tout à fait de circonstance, quoi qu'on en pense. Ça se passe évidemment au niveau des paroles. Donc, j'espère que vous avez apprécié notre voyage parce qu'on a effectivement beaucoup voyagé ce soir. La semaine prochaine, complètement autre chose. On s'enligne vers un spécial magnifique années 80. Ça se passe mercredi prochain, 21h, à l'antenne du 99.1 et 88.9 ou en direct sur le net. Je vous y attends. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine et je vous laisse avec Syl Johnson en 1970 avec Is It Because I'm Black au 99.1 CFNJ. Dark brown shades of my skin only add color to my tears. Oh, oh, that splash against my hollow bones that rocks my soul. Oh, oh, oh, oh. Looking back over my wondering why my dreams never came true. Is it because I'm black? Somebody tell me, what can I do? Oh, Lord. Oh, something is holding me back. Is it because I'm black? Yeah. In this world of no pity, I was raised in the ghettos of the city. Yeah. Oh, Lord. Mama, she worked so hard to earn every penny. Yeah. Yeah. Something is holding me back. Is it because I'm black? Is it because I'm black? Oh, somebody tell me, what can I do? Will I survive or will I die? Keep on holding on. Keep on fixing. on, holding on. You're holding me back. I wonder why you do me like that. But you keep on holding me back. Keep on putting your foot on me. But I've got to break away somehow and someday. Cause I want to be somebody so bad, so bad. I want to be somebody. I want to be somebody so bad. You see, I want diamond rings and things like you do. And I want to drive Cadillac cars. Oh, I want to be somebody so bad. But you keep on putting your foot on me. And I believe I can break away and be somebody somehow in some way. You see, I heard somebody say one time, you can make it if you try. Oh, and some of us, we're trying so hard. We're trying so hard. I want you to know that I don't speak for myself, but I speak for y'all too right now. You see, if you have white, light brown skin, and a high yellow, you're still black. So we all got to stick together right now. This I want to say to you, my sisters and my brothers. Right on, sister. Right on, brother. Dig this. If we keep on pushing, y'all, oh, we got to make it a little bit further. We got to make it a little further. All we got to do is try, try, try. And some of us, we're trying so hard. We're trying so hard. We're trying so hard. We're trying so hard, so hard to be somebody. We're trying so hard, although they're holding us back. And it stands to reason that they're doing us like that. You know what? It is. I believe it's because we're black. But hey, we can't stop now. We can't stop now. We got to keep on, keep on, keep on, keeping on. We got to keep on, keeping on. I know and I know and I know that you know that I know it ain't right. It ain't right, it ain't right. That they hold us, hold us, hold us back. They're holding us back.